le temps. Avec les protubérances de ses niches, de ses antennes, de ses bas-reliefs, de ses pierres vivantes, plantées comme les coulons dans les murs, et toutes entières compris dans une sorte de cercle immense, qui répond au cercle spasmodique du ciel. C'est là. Bonsoir, vous écoutez Canal Sud. Canal Sud, Radio Libre ou Mourir, et ses nuisances qui commencent dans quelques instants. Pour l'instant, ce sont les bandes préprogrammées de Canal Sud. français. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, une adresse de 40 Alfred Duméril où il y a encore un vernissage qui bat son plein avec une exposition de Nadiashka du 4 au 30 octobre 2013. Un téléphone, le 05 61 53 36 95. Tout en poésie ce soir. Poésie, oui. Car il y aura sûrement peut-être pas des invités.

Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, c'est l'émission Nuisance qui vous accueille tous les vendredis de 21h à 23h pour de la musique bruitiste, bruitiste comme le bruit. Voilà. We'll be right back. bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui s'installe avec des invités qui se présenteront ou pas tout à l'heure. Je les présenterai peut-être. Rebienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est l'émission Nuisance qui a commencé et elle poursuit avec deux de Hillflow qui vont participer à la session ce soir. C'est l'enfer, bienvenue, nous allons tous mourir, c'est pour maintenant, il faut espérer, l'espoir fait vivre, la mort, elle pue, comme les pieds, c'est pour la vie, vive la mort.

toujours. L'amour, c'est l'enfer. Canal Sud, 92.2 FM, ou Canal Sud.net, c'est Nuisance, avec deux de Inflo et moi. Nous sommes le 4 octobre 2013, et il est à peu près 23h moins 6 minutes. Les flammes de l'enfer, sur votre droite, les flammes de l'enfer. En face de vous et derrière vous, partout, l'enfer, vous êtes les malvenus. À bord de Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Sur Canal Sud. contre-insurrection et la guerre révolutionnaire. Isolement de la région dû à l'absence de hameaux, de routes, de voies ferrées, de rivières navigables, de pâturages. Limitation géographique de la zone, facteurs climatiques, insuffisance d'eau, végétation peu dense, absence de gibier. Utilisation d'une région de guérilla par un front armé toujours conditionné par la pauvreté logistique de cette dernière pour poursuivre différents buts. Échapper aux pressions d'une offensive de contre-guérilla dans une zone opérationnelle déterminée. Déplacement vers une autre zone plus favorable à la guerre de guérilla. Opération de dispersion ou de diversion en y réalisant quelques attaques qui permettent de disperser l'ennemi ou pour lui cacher les secteurs d'influence paysanne du mouvement armé ou bien pour attirer l'attention des forces répressives pendant que d'autres fronts frappent des objectifs déterminés, se déplacent vers d'autres régions, tiennent une assemblée, s'approvisionnent. Enfin, sonder les réactions politiques des masses paysannes de la région qui sera transformée en zone préparée si elles sont favorables. L'unification de tous les mouvements guérilleros n'aura lieu, semble-t-il, que lorsque chaque mouvement aura accompli isolément une grande partie de la première phase de la guerre du peuple, au cours de laquelle on aura abandonné toutes sortes d'espoirs. C'est la merde. Vous écoutez Nuisance avec deux de Hillflow et l'équipe de Nuisance à tout entier, tout entière, je veux dire, l'équipe. Il est 23h25, nous sommes le 4 octobre 2013, vendredi, entre 21h et 23h. Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Le téléphone, le 05 61 53 36 95, je répète, le 05 61 53 36 95. Une adresse, le 40 rue Alfred Duméril à Toulouse, France. Un site internet, le www.canalsud.net. Nous avons eu le grand plaisir d'accueillir ce soir deux de Hillflow qui sont venus jammer pour nous, avec nous, avec moi, on va dire, et nous les remercions de vive voix. D'habitude, dans l'émission Nuisance, on s'encule soi-même, je parle de moi bien sûr. Et en parlant d'encul, eh ben, allons se fionter ensemble dans une discothèque par exemple, ce soir, après l'émission Nuisance bien sûr. Souscrire un abonnement à la merde, souscrivez un abonnement à Nuisance. La merde pour vous gratuitement. Jusque dans vos oreilles. Oh, c'est velu. Nuisance bat son plein, et ce, pour plus très longtemps, parce que j'ai faim. Et donc je viens aller bouffer un kebab, et je vais vous abandonner avec les bandes enregistrées, pré-enregistrées de Canal Sud. Et nous allons tous vous abandonner avec les bandes pré-enregistrées, enregistrées de Canal Sud. Et vous allez devoir les supporter pendant toute la nuit, parce que vous êtes comme ça, vous ne savez pas éteindre le poste. Un bruit rose, cher ami. Mais je comprends plus mon tunnel. Bon, il y a... Ouais, il y a moyen. J'ai une voix ridicule et je sais pas. Et ça, je vais essayer d'allumer le haut-parleur. Ouais, vas-y, le haut-parleur du téléphone. Essaye, ouais. Et là, ça doit faire un feedback de... Bah, c'est là. Ouais. Bon, je précise aux 600 000 auditeurs potentiels que je vous réceptionne en monophonie. Voilà. Bon, alors, je reprends aussi, pour reprendre le thème de l'émission, je reprends mon caca et je vais jouer avec mes couilles. Bienvenue en enfer.